Le sujet de la soirée, les censures punitives. On parle de censure parce qu'on parle de restrictions qui se raccordent à des comportements psychologiques que l'individu, au cours de son éducation, quand il est jeune, et de tout ce qu'il peut rencontrer dans son expérience associative avec son environnement, toujours dans son temps de jeunesse, ça inclut la famille et l'environnement social, se fait indirectement imposé pour convenir à son milieu, se fait imposer un langage, se fait imposer des attitudes qui sont nécessairement là pour l'amener à être sociable avec son environnement. Sociable dans le sens adapté à qu'est-ce qui sont les règles du milieu pour pouvoir passer à travers certains facteurs de survie. Et conséquemment, ben, dans son mode éducatif, ben, il absorbe énormément de jeux, de bien, de mal, de vrai, de faux, donc des jeux de polarité, ça va de soi, qui construisent progressivement une réflexion dans son être avec le temps, parce que fais ça, fais pas ça, ça implique inévitablement une polarisation. Et dans cette polarisation-là, bien, il se crée des censures. Les censures étant, qu'est-ce qu'on fait dans cette condition-là qu'on n'a pas le droit de faire dans une autre condition, puis si je le fais pareil, ça donne quoi? Fait que ça fait comme un questionnement qui s'installe au fur et à mesure que l'individu progresse dans sa vie. Ça commence très, très, très jeune, ce jeu de polarisation-là, de bien, de mal, de vrai, de faux. Et conséquemment, plus c'est intense, dans le sens que plus les parents s'appliquent à imposer, dans le sens deviennent un cadre de très, très, très restrictif, bien là, à ce moment-là, l'enfant est pris dans une réflexion sur la valeur des choses, qui amène son ego à se bâtir beaucoup de censure. C'est ce qui, dans un temps, quand l'individu n'a pas de centre de gravité, lui permet d'avoir une contenance. Les censures que vous avez ont une utilité, c'est de vous permettre de vous contenir dans un environnement social. Alors, regardez les enfants qui n'ont pas de parents, là, réellement, sur le cas, ça va faire des enfants qu'on appelle teflon, ou qu'aucune autorité s'applique sur eux. Donc, en soi, un individu qui vit au monde dans une famille qui se divorce ou se sépare, a plus de chances, à un certain moment donné, de devenir ce qu'on pourrait appeler incontenable ou délinquant, sur le plan social du terme, donc capable de dire « ben moi, je fais ça malgré l'interdit qu'on me donne », qu'un autre enfant qui, lui, a eu des parents très restrictifs et très « politically correct » avec son environnement social, qui vont donner des balises extrêmement serrées à l'enfant pour qu'il puisse être un bon garçon ou une bonne fille en vieillissant dans l'environnement social dans lequel il va évoluer. Donc, on pourrait dire que les enfants les plus ou les mieux éduqués ont plus de censure que les enfants qui sont laissés plus libres. Facile à comprendre. Parce que en ayant moins de restrictions dans sa dynamique de jeunesse, bien, il est plus livré à une lecture par vibration, donc une lecture par le biais de son senti, qu'une lecture par le biais d'analyse intellectuelle qui est mémorisée comme étant des droits ou des obligations vis-à-vis de son environnement. Là, vous allez me dire, lequel des deux qui est le mieux? C'est pas une affaire qu'on choisit, c'est un destin qu'on a. C'est sûr que l'enfant qui convient plus à des règles sociales a plus de chances dans son environnement social d'être accepté parce qu'il joue les mêmes règles que son environnement. Mais si le même enfant qui est bien éduqué tombe dans une talle de gens qui sont plutôt délinquants, il va être très dérouté parce que le milieu délinquant va se donner des permissions puis des droits de bien et de mal qui vont être très élargis par rapport à ce que lui va avoir eu comme éducation dans son passé. Donc, il peut, à ce moment-là, dans des situations de crise très aiguës, mettons exemple dans un chaos social, le plus avantagé, c'est le délinquant. Parce que lui, il a appris à dealer plus avec le senti qu'avec l'intellect. Ça va? Fait que la personne qui est dans l'intellect apprend mécaniquement, c'est un bon robot dans un sens. Et puis là où on peut dire qu'il est prévisible, bien, il n'est pas insécurisant pour son milieu, parce que son milieu peut plus facilement le dompter, le mater, ou l'éduquer selon les critères qui sont les plus productifs. Je pense, exemple, à des compagnies. Vous engagez un gars de l'armée qui est habitué de répondre aux doigts et aux commandements, mais c'est plus sécurisant que de prendre quelqu'un qui s'est développé au niveau de l'autodidacte et puis qui peut facilement être plus autonome, plus indépendant que l'autre, que lui a été réellement drillé à obéir. J'ai pas de prérequis à dire c'est mieux telle chose. Fait que sortez du fait que je regarde ça comme c'est mieux, regardez ça plutôt comme des destins. La personne la plus censurée, c'est la personne souvent la plus éduquée, parce qu'on y a dicté des lignes de conduite. La personne qui est la plus délinquante, c'est une personne qui est nécessairement plus autodidacte, a moins de censure, mais elle peut être punie par un milieu qui est très censuré. OK? Tandis que la personne qui est censurée, elle a déjà sa punition, la conséquence de, dans la tête. Je pense à des gens là, qui se font voir dans la radio, la télévision, les journaux. Il va y avoir beaucoup de policiers cette année pour vérifier la vitesse, ta ta ta ta ta. La personne la plus censurée va toujours surveiller son cruise control, va toujours surveiller sa façon de conduire parce qu'elle est conditionnée à obéir à la loi. Vous allez me dire, c'est bien, oui. Excepté que pourquoi que les politiciens ne suivent pas nécessairement tout le temps la loi? Parce qu'ils se rendent compte que si tu es trop censuré, il n'y a rien qui avance. Si tu n'es pas trop censuré, tu peux prendre des risques qui vont faire avancer quelque chose. Donc, les gens qui ont le moins de censure, c'est les plus innovateurs, c'est les gens qui prennent plus de risques, c'est ceux qui s'embarquent dans des expériences qui vont permettre à d'autres qui ont des censures d'être exécutants de nouvelles lignes de conduite. Il faut être un petit peu, pour être inventeur, il faut être un petit peu délinquant pour pouvoir franchir des barrières morales ou psychologiques ou des limitations quelconques. Il faut être un petit peu délinquant. Mais délinquant, c'est la lecture que les censurés ont des gens qui ne font pas comme eux autres. Parce que le délinquant, on pourrait changer le mot pour dire que c'est un innovateur. Moi, personnellement, j'ai été délinquant en dessinant des astrologues dans les années 70, mais la conscience que j'ai développée à travers ces difficultés-là m'ont permis de donner à des gens un avancement là où ces gens-là étaient censurés. Mais si j'avais été censuré comme tout le monde, je n'aurais jamais fait ce travail-là. Vous me suivez? Pourtant, j'ai fait l'université, le kit, mais j'ai quand même donné plus prépondérance à une dynamique d'esprit où je me suis dit, bon, ben la vie, c'est sans limite. Tandis que dans une censure, il y a une limite. Puis la limite, c'est à la mesure de la réflexion. Plus vous êtes réflexif, plus vous avez l'idée ou la mesure par vous-même, vous pouvez voir ou lire ce qui est vos limites. Plus ça réfléchit, plus la limite est profonde. Dans le sens que le jeu de la réflexion va vous créer des restrictions au niveau de l'ego qui vont carrément ou littéralement vous empêcher de faire des mouvements qui peuvent mettre votre vie en danger à certains moments donnés. Vous avez une invasion à domicile. Vous avez une personne d'un côté qui est très censurée puis un autre qui ne l'est pas. Qui est-ce qui peut le mieux s'en sortir devant un intruder, quelqu'un qui envahit à domicile? Celui qui va avoir peur légalement d'être poursuivi par le bandit ou celui qui dit « sauf qu'il peut, il n'y a pas personne ici qui va me voler » puis je te dis qu'il va avoir un coup de masse à la tête s'il faut. Puis il frappe. L'autre, il est censuré, il ne frappe pas. C'est un bon citoyen. Mais c'est lui qui va passer dans le cahier de décès dans le journal de Montréal. L'autre, il laisse la prison. Je me dis « c'est pas mieux ». Tout est relatif, hein? C'est comment tu défends ton senti qui définit le niveau de censure. Si l'esprit sans limite, puis que vous vous donnez des limites, c'est l'âme qui vous mène. Si vous vivez dans l'esprit, vous êtes sans limite, qu'est-ce qui vous contient? C'est plus la peur de ne pas suivre la loi. C'est votre esprit qui vous dit « tu fais pas ça » ou « tu fais ça ». Donc, il y a une obéissance à la voix de l'esprit qui est différente du conditionnement que l'âme a convenu, on peut dire. C'est convenu, il y a une peur dans la convenance, parce qu'il y a toujours, à travers la polarité du jeu de l'âme, il y a toujours une punition qui s'installe. T'sais, dans le sens que si vous avez une censure, vous franchissez la censure, vous êtes passible d'amende, vous êtes passible de contrevenir à quelque chose, etc., etc. Donc, dans le phénomène de la restriction qui est lié à la réflexion, c'est toujours le droit qui est discuté. On discute de ses droits. Est-ce qu'on a droit par rapport à la collectivité d'avoir telle chose ou pas telle chose? C'est sûr que si vous êtes dans l'esprit, vous êtes dans un sans limite, vous pouvez prendre des gros risques par rapport à la collectivité. Vous avez dit ça, vous faudrait pas que la collectivité ou toute la collectivité ait du chat. Si toute la collectivité a du chat dans une maison, puis ça reste avec beaucoup de monde autour, pour laisser sortir tout le monde ses 10 chats, il faut que tu aies des 10 chats bien stylés. Hein? Il faut que tu aies des voisins qui sont compréhensifs en crise, puis etc., etc., etc. Mais si tu as de l'esprit, peut-être que tu n'auras pas besoin de 10 chats, peut-être que juste de voir beaucoup de chats que tu peux rentrer chez vous, puis laisser rentrer chez vous, que tu nourris de temps en temps, qui fait que il y aurait peut-être 100 chats dans la région, mais les 100 chats suffiraient à tout le monde. Tu sais, on n'a pas pensé aux solutions de l'esprit. On pense toujours en termes d'ego puis en termes d'âme. Fait que quand on pense en termes d'ego puis en termes d'âme, on pense tout le temps en termes de propriété, de mesures, de clôtures, de restrictions, etc., etc. Tandis que quand on parle au niveau de l'esprit, bien, l'esprit, lui, a du sans limite. Sans limite, ça veut dire que tu n'as pas nécessairement un instinct de propriétaire. Si tu as besoin dans l'animal, exemple, je donne ça comme image, tu as juste besoin de la présence, c'est pas nécessaire d'être propriétaire, parce que si l'animal vient chez vous et tu as la présence qu'il te faut, c'est suffisant. Si j'étais capable de convenir avec les chats du voisin, moi, tout serait correct. Vous me suivez? Mm-hmm. Fait que le sans limite, il y a un prix à payer dans le sans limite. Il y a quelque chose qui fait qu'il faut que tu décloisonnes ta peur de perdre. Parce que la censure est liée, pour l'ego, j'entends, là, est lié à un instinct de propriété. Il faut être propriétaire de quelque chose pour que vous ayez, comment je dirais ça, ce sentiment d'appartenance qui vous oblige à le protéger puis qui vous oblige à vous restreindre pour le protéger. Dès que vous commencez à vouloir protéger quelque chose, c'est parce que vous avez une peur, en quelque part, de le perdre. Vous me suivez? Vous allez dans des environnements qui sont très, très restreints en espace, je pense à des grandes villes, où vous risquez de voir plus de censure dans ces milieux-là que dans des places où c'est plus campagne. En campagne, après-midi, moi, c'était un voisin qui est venu m'aider quand j'étais pris avec le Jeep dans la boîte. Puis, lui, il faisait ça pour le fun de le faire. En ville, c'est comment tu me payes pour que je le fasse avec toi? Parce que tout est pensé en termes de ne pas se faire avoir, tandis que quand tu s'en vas dans la campagne, c'est plus léger, cette dimension-là. Il y a moins de restrictions. Donc, c'est plus facile de vivre du sans limite que de vivre dans un jeu de restrictions où tout doit se payer continuellement. Puis, je ne parle pas de New York, là, c'est encore pire. C'est moins facile d'être généreux en ville que d'être généreux dans un milieu qui est plus coopératif, si on peut dire ça de même. Ça, je pense que tout le monde qui a vécu un minimum d'expérience dans sa vie est capable de le vérifier. Plus tu as de l'espace, plus c'est facile à l'esprit de prendre un sans limite. Moins tu as d'espace, plus il y a des restrictions. Et puis, conséquemment, plus il y a de réflexion de l'ego à essayer de mesurer qu'est-ce qu'il donne puis qu'est-ce qu'il reçoit. Ça, le problème de la restriction puis de la censure est toujours lié à un phénomène de peur. Perdre, c'est la punition. OK? La personne qui a peur de perdre, elle vit la perte comme une punition. Quand tu le vis au niveau de l'âme, tu vis ça comme un transfert que tu as amené vers quelque chose. Le gars, il a perdu une heure de son temps à venir m'aider. J'ai été dans mon char, j'ai pris une poignée de biscuits à chien. Il y a deux chiens, j'ai donné la poignée de biscuits, il était totalement heureux. Pour moi, ça valait une caisse de biscuits à chien tellement que j'ai forcé, que lui, avec son winch, il nous a sorti facile. Mais c'était pas là le point. Là. C'était comme une signification d'une coopération. Tu sais, genre, en tout cas, si tu as besoin de moi, tu m'avertiras, gêne-toi pas, ça me fait plaisir. Tu sais, il a vécu ça comme un sport. Il a pas vécu ça comme une contrainte. Donc, c'est sûr que si vous avez des relations de couple, des relations associatives, vous avez des relations d'affaires, peu importe la forme d'association, puis qu'il y a beaucoup de restrictions, c'est parce qu'il y a beaucoup de réflexions, puis il y a autant de réflexions qu'il y a de peur de perdre. Dans de l'esprit, c'est à chaque fois qu'il se présente une perte potentielle ou une perte réelle, il y a toujours un remâchage. On reconduit le problème à un autre niveau pour essayer de voir à quoi ça sert que ce problème-là soit arrivé pour que papa, papa, papa. Mon gars, quand il a calé son Jeep, il dit « Wow! » Il dit « C'est ça que je voulais. Je vais me caler pour savoir si c'était vraiment à peine, ça valait vraiment à peine de changer de pneu, si ça valait vraiment à peine d'acheter un winch, si ça avait, tu sais, Fait que le problème a servi à dire, bon, ben là, cette semaine, je les commande. Je commande les morceaux. Ça n'a pas été vécu comme, ah, j'ai sali mon Jeep, puis Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait que s'il y a de l'esprit, il n'y a pas de restriction, donc il y a une possibilité de te déprendre de la perte, de te dégager de la perte puis du conflit. Fait que là, ça me ramène à l'aspect de c'est quoi l'esprit en fond de présentation. Quand on protège la forme, on protège une croissance, un acquis, une construction, une valeur d'échange. Quand on vit au niveau de la forme, on est toujours dans un rapport d'appartenance, de propriété, de contrôle, d'impression, de décision, qui permet à l'âme de se donner de la valeur. La première grande trappe de l'âme, c'est de se donner de la valeur, de penser en « je ». « Je suis l'élément, le maître, la vision, le futur de telle ou telle chose ». Bon, fait que quand vous avez ça, cet état d'esprit « je », réflexif sur votre valeur de personne par rapport à d'autres, c'est que vous essayez d'établir une mesure pour que quelqu'un perde. Il faut que quelqu'un perde pour que vous ayez de la valeur. Il faut que quelqu'un soit moins que vous autres pour que vous ayez de la valeur. Parce que si vous êtes 150 avec la même valeur, il y a 150 personnes, en guillemets, égales, qui peuvent échanger des différences, mais qui ne sont pas pris avec un qui doit souffrir d'en baver que l'autre ait telle chose. Vous me suivez? Bon, si c'est possible de se défaire du « je », donc de cette impression de grande valeur personnelle, c'est sûr que vous mettez à terre l'âme, parce que l'âme devient simplement la bourrique et l'âne qui doit traîner, l'âne, le petit cheval, là, qui doit traîner une forme. Puis l'état de prisonnier de la forme, à un moment donné, apparaît quand vous êtes confronté à devoir changer de forme pour aller vivre une autre expérience. Tu sais, t'es dans une expérience X, puis bon, à un moment donné, t'es rendu au bout de cette expérience-là, puis il faut que tu passes à une autre expérience. Mais là, tu traînes un vécu qui peut être extraordinairement un succès. Là. Tu sais, tu as vécu un grand succès dans une forme, puis là, il faut que tu passes à une autre forme. Il faut que tu abandonnes la forme qui t'a fait vivre du succès, donc qui t'a fait vivre une valeur. Tu as été médaillé, tu as été ci, tu as été ça. Puis abandonner ça, la seule chose qui peut te permettre de te dégager du passé, du succès, pour ne pas vivre une espèce de cold turkey, puis une impression de ne plus être rien après, c'est qu'il faut que tu embarques sur un nouveau mouvement. Le nouveau mouvement, il faut qu'il dépasse l'idée que tu t'es faite de la grande valeur que l'âme ou l'expérience d'âme t'a fait vivre. Si tu n'es pas capable de dépasser l'idée et d'aller chercher une nouvelle vibration, ben tu es prisonnier de la forme. C'est pour ça que Bernard disait tout le temps, mon instruction, elle vise à défaire la forme. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que si tu veux passer à une autre étape dans ta vie, à chaque fois que tu changes d'étape, il faut que tu abandonnes une forme pour entrer dans une nouvelle vibration qui va te faire découvrir une autre forme, qui va te faire construire une autre forme. Bon, je ne sais pas dans quelle mesure vous pouvez le saisir, là, mais comprenez que, mettons que vous êtes étudiant, si vous voulez vous placer dans une situation où l'âme du diplôme puis l'âme de l'expérience collective d'apprendre avec d'autres personnes vous emmène dans un terrain où il faut que vous vous exécutiez, que vous soyez efficace, productif, puis que vous soyez totalement responsable de vos actes, et non pas... parce que quand vous êtes zone passive comme étudiant, vous n'êtes pas vraiment responsable de vos actes, parce que vous êtes dans une zone d'apprentissage. Et là, quand vous tombez dans une zone d'application, vous devez passer à un autre état de conscience qui est un état d'exécution actif, et non pas un état d'ajustement à toujours voir de la nouvelle information pour pouvoir développer une compétence, puis développer de nouvelles mémoires, puis etc., etc. Il faut que tu meurs à l'étudiant pour passer au stage de réellement professionnel. Tu sais, ça paraît un professionnel puis un étudiant. Il y a un vécu dans le professionnel, il y a une maturité, une confiance en soi dans le professionnel que l'étudiant n'a jamais. Et puis là, conséquemment, si vous êtes capable de changer du mode étudiant au mode professionnel, bien, vous changez de monde. Vous abandonnez une forme où l'angle vous a peut-être donné un diplôme de premier de classe, mais là, il faut que vous soyez dans la vraie vie, avec votre capacité de vous faire une famille, puis en plus d'avoir le statut de professionnel de quelque chose. Puis ça, il faut que vous laissiez l'idée, le monde de l'idée, pour entrer dans le monde de l'action. Fait que la censure, pour bien des gens, c'est comme si ça réfère toujours au monde de l'émotion. Tu sais, t'es censuré au niveau émotif. Mais ça va plus loin que ça, parce que la censure, ça peut être des interdits intellectuels profonds. Genre, tu vas à l'école, tu vas à l'université, puis à l'université, on te dit, tu peux pas penser autrement que de telle, telle, telle façon. Là, quand tu arrives comme professionnel, tu es tout conditionné à penser de telle, telle, telle façon. Puis là, il y a un gars d'une autre université, d'un autre pays, qui lui, nous autres, il lui dit, nous autres, dans notre pays, on a le droit de faire ça. Ah ben, t'as pas le droit de faire ça. Ouais, peut-être que dans ton université, on t'a enlevé le droit de faire ça, mais dans notre université, nous autres, aux Indes, en Europe, peu importe, on nous a donné le droit de faire ça. Là, il y a un conflit idéologique. Il y en a un qui va dire, boire du vin, c'est bon pour le cœur. L'autre va dire, si tu bois du vin, tu vas avoir un problème cardiaque. Ils viennent pas de la même école, ceux-là. Là. Qui est-ce qui a raison? Qui est-ce qui peut trancher dans un qui a une censure et l'autre qui n'a pas de censure? Qui est-ce qui peut trancher? La vibration. Il y a juste la vibration. Puis tout à coup que la vibration, c'était pas collectif. Tout à coup que lui, il peut boire du vin puis c'est correct. Puis l'autre, lui, dans son pays, il boit du vin puis il va avoir des problèmes cardiaques. Peut-être que c'est quelque chose qui va avec l'environnement. C'est peut-être plus lié à strictement boire du vin. Il y a peut-être l'état d'esprit. Nous autres, chez nous, je pense qu'on aurait été cardiaque à boire de l'eau. Parce que tout ce qui pouvait être alcool, c'était dangereux. Ah, si tu bois de l'alcool, tu vas te tuer en auto. Si tu bois de l'alcool, si tu bois de l'alcool, c'est ça. Ce qui fait que ma première bière, moi, je l'ai bu à 24 ans. Parce que c'était dangereux. On regardait ça comme un verre de bière, c'était 8 onces de nitroglycérine. Que si tu buvais et tu te brassais, t'explosais. Là, c'est une façon de parler. Mais ce que je savais pas, qui a conditionné ça, c'est que mon père, il a vu son père, donc mon grand-père, paqueter souvent. Puis pour lui, ben les conséquences de ça, c'était de la nitro. Mais moi, j'ai pas vu mon père boire plus que de l'eau, du lait. Fait que, c'est sûr que j'ai pas eu cette expérience-là de danger de l'alcool. Lui, il l'avait vécu. Et il m'a transféré sa peur, puis il a fallu que je défasse ça à 24 ans. Que si tu en prenais de façon, on va dire, modérée, moi, deux bières, je suis à la limite, je respecte le chiffre 2, pas de trop. À 3, je parle trop. Ou je m'endors à 4. T'sais? Fait que, conséquemment, la mesure, c'est moi qu'il fallait qu'il me la fasse, par ma propre expérience. Mais j'ai vu du monde être capable de caler, aux Îles-de-la-Madeleine, entre autres, caler facilement deux caisses de 24 dans une journée, puis pas en mourir, puis conduire, disons, lentement, là, mais conduire assez bien quand même. Considérant qu'il y a moins de trafic ici. Mais ça reste toujours très personnel. Fait que tu peux pas avoir des règles absolues. Fait qu'une censure, ça rentre dans des patterns d'idées qui, éventuellement, seul le mouvement, la capacité d'aller chercher ton information dans un mouvement plutôt que dans une idée toute faite peut te libérer d'une censure. Ça ne veut pas dire que la censure n'est pas valable. Elle a quand même son pattern d'expérience qui vient l'appuyer puis qui vient faire dire à des personnes ou à des gens « ça c'est valable, puis etc., etc. » Puis c'est vérifiable, c'est effectivement valable. C'est sûr que quand les gens disent « il faut une limite de vitesse à 100 », quand tu es sur l'autoroute, c'est très libre, tu peux monter à 120 puis ça ne tuera pas personne. Mais à 100, en revenant dans le trafic du Nord, ça, c'est trop vite un petit peu, parce que en majeure partie, les gens descendent 60, 70, puis si tu roules à 100 là-dedans, là, tu mets tout le monde en danger, mais pourtant, c'est une limite de vitesse permise. Mais 100 dans le trafic, c'est pas intelligent. Pourtant, c'est légal. Vous me suivez? Fait que si t'as pas une conscience du mouvement, tu y vas juste avec l'affaire des droits et des obligations, mais là, tu peux avoir des gros problèmes parce qu'il y a des censures qui sont intelligentes dans certaines conditions, puis dans d'autres états ou de d'autres situations, si tu te fais au mouvement, tu peux défaire la censure. Fait que c'est une question de gestion de la réalité. On établit une moyenne pour l'ensemble de la collectivité, mais l'individu, dans certaines occasions, peut franchir la censure. La preuve, la police va... Elle peut rouler 180 pour aller rejoindre un gars. L'ambulance pour quelqu'un qui est en train de crever dans le truck, ben, elle peut rouler plus vite que la norme, ça va être acceptable. Fait qu'il y a des censures qui sont franchies. Puis je vous donne juste ceux-là, mais on pourrait réappliquer ça à bien d'autres formes de vie au niveau de la sexualité, au niveau de la famille, au niveau du couple, au niveau de quoi que ce soit, qui démontrerait l'intelligence de se défaire de la censure pour arriver à des relations qui sont plus balancées. Par la vibration, par le mouvement, par une reconnaissance qu'il faut se défaire de l'idée pour se donner une liberté. Le monde, ce qu'il cherche, c'est la paix. Hein? Puis la paix, c'est au-delà des idées. Moi, 90% de mon travail s'est fait dans ma vie depuis l'âge de 19-20 ans avec les histoires de couple. Puis j'en suis venu à la conclusion qu'un jour, le couple va disparaître. OK? Ça ne veut pas dire que le besoin d'être ensemble, homme-femme, va disparaître. Ce que j'ai compris, c'est que le couple va disparaître. La notion d'appartenance au couple va disparaître. Mais le besoin de la présence du sexe opposé ne disparaîtra jamais. Bon, j'ai une vision décensurée qui est totalement pas adaptable à notre société immédiate, mais qui, dans l'évolution de la société actuelle depuis 15-20 ans, me donne raison. OK? Parce que je vois à quel point deux êtres qui sont attachés ensemble se nuisent et que des gens détachés de l'autre se développent. Vous me suivez? Tu es détaché de l'autre, tu peux l'aider. Tu es attaché à l'autre, tu vas chialer parce qu'il est trop collé sur toi. Puis tu vas le juger, le critiquer, puis ça finit plus. Bon, les gens vont dire, ça veut-tu dire qu'il faut être célibataire? Non, c'est pas ça que je dis. Faut que tu sois lié à une personne sans être attaché à la personne. Lié à la personne, ça veut dire conscient de son développement, tu veux aider l'autre dans son développement, mais tu peux pas le suivre partout. Il y a des terrains là que c'est réellement ça y appartient. Puis c'est pas quelque chose que tu peux te mêler parce que tu n'as pas les ressources, les compétences, la lecture instinctive de qu'est-ce qui peut se faire ou se vivre dans quelque chose. Je pense à Benoît, il fait de la moto, sa femme, on oublie ça, elle ne pourrait pas rouler sa moto. Donc, ça lui est personnel. Si c'est personnel, c'est une vibration qui est nécessaire à son développement et l'autre ne doit pas, dans toutes circonstances, ne doit pas se mêler de ça. Vous me suivez? Par contre, elle peut vouloir quelque chose. Que lui, ce n'est pas son bague. Il faut qu'elle se le donne. Il faut qu'elle se le permette. Parce que c'est une vibration. Elle est à côté, c'est une vibration, puis pour elle, ça la dégage des jeux de l'âme, des restrictions, des limitations, etc., etc. Au même titre que lui va faire de la moto pour se défaire de cette restriction qu'il vit dans son travail, dans sa vie, dans son passé, dans les restrictions qu'il avait dans son passé. Fait que lui, il se donne une occasion de vivre de l'esprit, vivre du sans limite, mais l'autre aussi, il faut qu'il vive aussi. Parce que sans ça, il va se créer un déphasage entre les deux. Puis si le déphasage est trop grave, c'est un divorce absolu, ça, là. C'est garanti. T'sais. Puis ça va être. Le divorce va être aussi rapide que la différence de développement. S'il y en a un qui se développe plus vite que l'autre, puis que l'autre se sent réellement dépassé par la vitesse de développement d'un, c'est sûr que les jeux d'âme vont se disloquer. D'ailleurs, c'est ce qui crée les séparations de nos jours. Par contre, si les gens sont capables de se laisser libres, donc sont capables d'accepter qu'ils ont de l'esprit pour vivre du sans limite, mais que ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que l'autre aussi a de l'esprit pour vivre son sans limite, ben là, c'est plus problématique. C'est un détachement du trop serré, mais c'est une sorte d'admiration de voir l'autre dans une mutation qui fait que tu as toujours le goût de voir où ce qui est rendu, puis là, tu gardes un lien. Mais ça devient un lien d'esprit, non plus un lien de restriction, puis est basé sur une réflexion d'appartenance excessive qui est manipulée par l'ego. Donc, c'est comme si les jeux de la vibration ça impose beaucoup d'imprévus, mais ça laisse un mouvement se faire pour que les idées se défassent et que l'âme ne vienne pas mettre son nez dedans en termes de picosser l'autre sur « non, tu n'as pas le droit de faire ça », puis là, finalement, la vibration passe, puis tout le monde vit son développement personnel dans une alliance. L'alliance que Bernard parlait, c'est une sorte de surprise à tous les jours d'être bien ensemble. Mais c'est pas un travail à être bien ensemble. Tu fais pas d'effort à être bien ensemble. Tu es bien ensemble. Me suivez-vous un petit peu? L'effort de vouloir, ça rentre dans la censure. Tu t'empêches de faire ça pour ne pas perdre de vue l'autre. Ça, c'est très dangereux. Vous allez tomber dans une sorte de domination si l'autre, le moindrement, regarde ailleurs. J'ai vu tellement de structures de couple ou d'associations se défaire parce qu'à un moment donné, un voulait faire un mouvement et puis l'autre l'empêchait parce qu'il était dévalorisé. Dévalorisé, ça veut dire qu'il perdait le contrôle. Et quand tu es avec une relation que si tu fais un move, ça le dévalorise, sors de ça. C'est urgent. Bon, la question, c'est comment qu'on peut reconnaître qu'on vit sa vibration et puis qu'on n'est pas prisonnier d'une réflexion, c'est ça? Bon, si je réponds à cette question-là, je dirais que quand tu vis sa vibration, tu sais que c'est pas toi qui décides, tu suis un courant. Quand dans ta vie, tu fais pas la différence entre décider puis contenir, là, t'as un problème d'âme. OK? Moi, il y a des choses que j'aime beaucoup dans la vie. Puis quand j'ai peur des perdre, c'est parce que je pense que j'ai le contrôle. Mais si je ne regarde pas ça en termes de « j'ai le contrôle », mais je regarde ça en termes d'avoir de la contenance, je peux laisser faire quelque chose à ce que j'aime. Je pense, par exemple, à mes chats. Et puis j'ai confiance que les forces me mettent en syntonie pour pas qu'il se passe rien de dramatique pour l'animal. Puis si, ils m'ont déjà dit, si on t'en enlève un, c'est parce que c'est nécessaire. Puis c'est à toi de comprendre. Fait que tu peux pas capter une vibration dans de la possessivité. Tu peux pas capter une vibration dans une restriction dans la décision. Tu peux pas. Tu peux pas penser que tu décèdes sans être dans des jeux d'âme qui vont t'exposer inévitablement à une perte. Parce que pour que les forces t'amènent à comprendre la vie en termes de contenir les événements qui te présentent, plutôt que de contrôler les événements qui te présentent, ils sont obligés de te taper la gueule d'aplomb. Ils sont obligés de te faire voir que tu n'as pas de contrôle. Puis ils le font là avec une science extraordinaire. Parce qu'ils te font voir, à un certain moment donné, que ta vie, c'est une vie que tu ne peux pas dire « si je fais ça, je vais mourir, puis si je fais ça, je vais me bâtir ». Ils te font voir des aspects de l'existence qui sont réellement, entre guillemets, liés à des hasards. Quand je fais de la moto, moi, là, puis je roule vite, il y a des fois, comme mon chevreuil, là, tiens, j'ai failli passer sur un chevreuil, là. Je ne l'ai pas tué, le chevreuil. Mon bumper, il a touché le bout de la queue là, quand il avait fini de passer. Là. Puis là, ils m'ont dit, tu vois, là, on aurait pu, une seconde avant, te faire frapper l'animal là, de plein fouet. Puis on ne l'a pas fait. C'est synchro, là. C'est très synchro, là. Ça aurait foutu le bordel dans ma vie. C'est pitchard, puis rien, là, où ce que je reste, là, c'est l'enfer, ça, là. Fait que la dynamique de la vibration... C'est une conscience totale et absolue de savoir que la vie, tu la contiens, mais tu contrôles rien. Puis t'as aussi longtemps qu'il y a une impression de contrôle, ça va te ramener à des jeux de réflexion, de mesure, de ci, de ça. Là, tu vas me dire, ouais, mais on a besoin de composer avec des idées. C'est vrai, mais pas jamais de vue qu'à tous les jours, tu pourrais mourir, puis ça, il y a quelque chose qui t'empêche de le vivre, vivre la mort. T'empêche de vivre l'échec, t'empêche de vivre ci, t'empêche. C'est pas toi qui empêche la vie de te donner une volée. Elle va venir la voler si tu en as besoin pour te faire comprendre des choses. Fait que tant que tu es dans un jeu de réflexion puis de restriction puis que c'est pas trop grave, tu peux te donner l'impression que tu as un pouvoir décisionnel puis un contrôle. Mais quand à un moment donné, là, ça cogne fort, là, ça te fait voir là, que non, tu ne peux pas faire ce que tu veux dans la vie. Tu es obligé d'apprendre à lire la vibration. Là. Quand ils ont décidé qu'il fallait que tu lises la vibration, ils te mettent dans des affaires où tu perds complètement le pouvoir décisionnel puis que tout ce que tu peux faire, c'est de contenir la situation. Là, à partir de là, tu apprends à lire la vibration et puis c'est sûr que là, à ce moment-là, si c'est ça qui t'expose, là, tu sais, il t'expose à une situation où tu ne peux pas décider, mais tu peux juste contenir, ça, c'est parce qu'ils veulent te faire sauter une censure. Pour que tu puisses continuer, parce que c'est possible que tu sois plafonné à ce moment-là. Question encore? Le fait de savoir que c'est réellement pas toi qui pense, c'est c'est déjà la clé pour te sortir de n'importe quelle situation. Ben, c'est la clé. T'sais, c'est pas parce que tu ouvres une porte que tu es capable de marcher dans la maison, là. Mais disons que réellement savoir que c'est pas toi qui penses. Moi, j'essaie de me ramener là, à cette époque-là. Là, puis je voulais des preuves, moi, dans ce temps-là. Je voulais beaucoup, beaucoup de preuves. C'est sûr que quand tu sais que c'est pas toi qui penses, faut que tu le saches même quand ça va bien, hein. Parce que c'est plus facile de savoir que c'est pas toi qui penses quand ça va mal. Parce que là, c'est tellement évident que t'as pas le contrôle que. Fait que là, c'est, en général, les gens, c'est comme tomber dans croire en Dieu, là, tu sais, ou Dieu aide-moi, là, tu sais, ou la prière que les gens faisaient, là, pour se sortir d'une situation qui était hors de contrôle. Ça, je trouve ça touché parce que il est trop tard, là, quand t'es rendu là, là. T'es déjà profondément frappé. Tandis que se lever le matin, puis dire, bon, ben là, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, tu sais, comme parler avec quelque chose qui va te donner une direction, puis qui dit, ben, va faire ça, là. Tu sais, puis, tu sais, clic, clic. Puis, tu sais pas c'est quoi que ça va donner, là. Tu sais. Donc, un matin, il voulait me faire le lever de bonne heure. Je savais pas pourquoi. Puis, finalement, quand mon gars m'a appelé à 1 heure, il dit, je vais être chez vous à 3 heures. Ben, si je me serais levé à 1 heure, j'aurais pas pu faire le travail que j'avais à faire. Fait qu'ils m'ont levé plus de bonne heure. Je me suis pas ostiné. Je bougonnais un peu, mais je l'ai fait parce que j'étais habitué de traiter avec les forces. Puis là, quand j'ai fait ce qu'il y avait à faire, puis que lui m'a appelé, là, j'ai tout compris pourquoi la séquence de la journée se plaçait. C'était la première fois qu'il venait chez nous avec son Jeep, papa, puis finalement, on était se perdre dans le bois 1 heure de temps. Mais tu sais, j'étais arrivé à l'heure pour ma conférence parce que j'ai suivi la vibration. Si je n'avais pas suivi la vibration, ben là, j'aurais été désorganisé pas mal. Fait que c'est sûr que suivre la vibration, c'est du chinois pour quelqu'un qui pense qu'il décide. Parce que pour lui, c'est pas suivre la vibration qu'il fait, c'est suivre son idée. Il a une idée dans la tête, puis il suit son idée. Puis le pire, c'est pas tellement qu'il suit une idée, c'est que c'est son idée. C'est le son idée à lui qui est le problème. C'est pas de suivre une idée. Parce qu'ultimement, c'est pas lui qui pense. Mais c'est qu'il tombe dans l'affaire du contrôle de l'idée. Je sais pas si tu comprends. Mais suivre l'idée, c'est tu. Suivre une idée, c'est tu. Oui, c'est réel. Suivre une idée, c'est suivre une vibration. Mais le problème, c'est que l'ego pense que c'est lui qui décide. Fait que lui, l'idée, c'est son idée. Et dans quelle mesure... Faut que j'aide quelqu'un, là, OK? Les forces me disent « aide-la ». OK? Moi, dans mon idée, j'ai pas les moyens. Mais ils me disent « aide-la ». Je l'aide, puis 2 heures après, je reçois un téléphone que j'ai le double du prix que j'ai payé pour l'aider. Les autres le savaient. Mais moi, avant de le savoir, j'ai dit, Chris, ça va me casser, si je l'aide. Je l'aide pareil parce qu'ils me disent, aide-la. C'est pas mon idée, c'est leur idée. Mais c'est une vibration qui va contre ma vibration initiale de ne pas l'aider. Je le fais pareil. Puis là, oups, je suis rebalancé 2 heures après. Là, tu vas dire, c'est-tu toujours de même? Non, pas toujours de même. Parce que tu peux te fier qu'ils vont t'aider parce que t'aides quelqu'un. Là, Chris, je voudrais aider tout le monde, asti. Parce que là, je dirais, hey, c'est payant, là. J'ai du 200% de rendement. Là, je tomberais dans le contrôle de la vibration, puis ils vont me casser ça. C'est sûr? Fait que c'est pas que l'idée, c'est pas une vibration. C'est que l'idée, elle passe par le jeu. J'ai vu combien de fois des gens qui parlaient clairement sur le contact, mais qui récupéraient ça en jeu, puis là, ils foutaient le bordel. Avec une bonne vibration, ils réussissaient à faire de la marque. Comment on peut faire pour spéculer d'une façon vibratoire? On ne peut pas spéculer avec une vibration, on obéit. Mm-hmm. Une vibration, c'est de l'obéissance plate et simple. Mm-hmm. C'est simple parce qu'il n'y a pas de destination, puis c'est plate parce que l'ego, il n'a pas toujours son anane dedans. Là. C'est très, très difficile de suivre une vibration parce que l'ego n'a pas de... L'ego, il n'est pas valorisé. En général, mais c'est sûr que le mariage de l'âme puis de l'esprit, ça crée une certaine confusion à l'ego parce que on est toujours sujet dans l'âme à chercher une certaine performance. Surtout l'homme, là. La femme, elle, ça va être un autre genre de performance, mais l'homme, il va toujours chercher une certaine performance. Et puis, dans la performance, qu'est-ce qu'il va mesurer? c'est sa contenance. Tu sais, c'est comme je te dirais, mettons, toi, tu ferais de la moto, peut-être que ta limite de vitesse, c'est pas la police, là, mais c'est 260. Donc là, si on te met sur une machine qui fait 345 km/h, il y a peut-être qu'à un moment donné, tu vas être étourdi là, à une certaine vitesse, là, puis que tu vas dire, oups, je contiens pas ça. Moi, j'ai commencé cette année, c'est la moto, puis je la contenais pas comme je la contiens aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais plus le feeling de la machine. J'avais pas le même feeling de la machine quand j'ai commencé la saison. Donc, j'ai développé ma contenance depuis le 21 avril. Donc, en 2-3 semaines, il y a comme, je dirais, de l'autorité. Mais je peux pas dire que j'ai plus le contrôle. Parce que l'été passé, j'étais encore plus en contrôle que là. Peut-être que je vais retrouver dans 2 semaines le même état de contrôle que j'avais à la fin de l'été. Parce que ma contenance est plus grande. Mais je ne peux pas dire que je décide moins ou je décide plus. Je peux juste dire que je contiens plus ou je contiens moins. Donc, je suis la vibration. Mais je ne force pas à mesure non plus. Quand c'est too much, j'arrête. Je me mets pas dans la tête ou dans le mental une impression d'être meilleur. Je tourne pas l'affaire dans l'affaire de la valeur. Comprends-tu? Comme on dit, le jeu de l'âme, c'est d'attendre que l'esprit vienne te transformer dans l'ensemble. Ouais, c'est bien dit ça. Parce que si tu vas au devant, ça fait partie de la mission qui t'amène. Ben ça, c'est le jeu de la performance de l'âme. L'âme cherche à challenger l'esprit. Ça, j'ai vu ça souvent. L'âme se pense plus smart que l'esprit. Ça, j'ai vu ça très, très souvent. Ouais. Est-ce que tu peux dire que les femmes attendent de venir se faire capter par l'esprit, puis les hommes essayent de forcer l'issue? Non? Ben, ça change beaucoup. La société change beaucoup. Moi, je pense que, écoute, je ne peux plus traiter ça. Moi, je suis plus capable de voir ça, la femme puis l'homme différent. Je suis plus capable. C'est comme j'ai trop vu de femmes qui avaient des attitudes d'hommes. Puis de plus en plus, je vois des hommes qui ont des attitudes plus féminines, mettons. Okay? Fait que là, je traite plus ça au niveau de c'est un homme, c'est une femme. Je traite ça au niveau de. Il y a des programmations qui ont des expériences plutôt passives puis des expériences de vie qui sont plus proactif. Écoute, j'ai rencontré la championne de tir québécois au restaurant hier, dans un Tim Hortons, puis m'a dit, je regardais la fille, elle avait plus d'air d'une danseuse de ballerine que d'une fille qui est championne du gun. Elle s'entraîne à la même place qu'on va, moi et puis Gilles, à Ville-Saint-Pierre, elle connaît tout le staff là-bas, puis elle va faire ses compétitions-là, puis ailleurs, un peu partout, puis c'est une championne, tu sais. Quand il serre la main, tu vois bien que elle a une maudite bonne poigne. Quand elle tient un pistolet, là, ça dit que ça doit être solide. Elle a les yeux extrêmement perçants. C'est une Anglaise aussi. Là. Puis tu vois qu'elle parle, elle a une grosse mâchoire carrée comme un militaire. Là. C'est a woman gun machine, tu sais. Mais moi, je pourrais dire je suis plus gars qu'elle, mais elle va me clencher d'aplomb sur une affaire de fille. Ouais, puis c'est très masculin tirer du gun. Il faut que tu aies un esprit de tueur aussi. Il faut que tu tires. Puis tu aies réellement la cible à cœur, puis la patente. Mais est capable de manger bien des petits gars. Puis tu le sens dans sa personne qu'elle est focus, puis elle a une précision. Mais quand tu regardes marcher, puis s'en aller à son auto, c'est tout sautillant. C'est tout. C'est une petite fille, là. Tu vois bien qu'elle est très, très, très féminine. Puis que si elle se met en costume de bain, tu vas en baver, man. Tu sais. Mais. Il ne faudrait pas qu'elle soit en costume de bain à la Lara Croft, là, avec les deux gros Beretta sur le bord de choses, parce que tu verrais qu'elle sait s'en servir, de la main gauche comme de la main droite. T'sais. Fait que tu peux pas, c'est un mental, la société est en mutation à une vitesse d'enfer, puis tu peux pas dire qu'il y a des prototypes d'âme, que bon, la vie, c'est tout comme ça. C'est sûr que j'aurais tendance à dire, bon, la femme, par nature, elle supporte, c'est naturel chez elle de supporter. Mais c'est de moins en moins vrai, parce que la femme va demander à l'homme de supporter aujourd'hui, que tu ne voyais pas il y a 15, 20, 30 ans. Là. Quand une femme faisait ça, elle était marginalisée, tu sais, elle était placée comme dans un rang à part. Mais aujourd'hui, tu peux plus faire des conneries de même. Tu sais, la femme, quand elle dit qu'elle a besoin de support, ben, tu sais, elle va te couper la libido, elle va te couper le sexe aussi, puis ça, elle va dire « Tabarnak, si tu me supportes pas, je te crisse là, on va me trouver quelqu'un qui va me supporter. » Tu sais, puis pour moi, dans la dynamique de la société actuelle, ça commence à se mêler l'affaire des rôles, tu sais. Fait que qu'est-ce qui est de l'âme? Écoute, on est habitué de voir des restrictions puis des censures chez la femme qui obligeaient la femme, de par les conditionnements millénaires, à créer des zones de support sans condition. Aujourd'hui, tu vas prendre des femmes qui ont été célibataires toute leur vie parce qu'ils ne voulaient pas supporter un homme puis être effacées en arrière, là. OK? Puis ces femmes-là, ils ont le droit de vivre comme les autres. C'est juste qu'à un moment donné, ils ont dit non, moi, je ne veux pas jouer le jeu de l'âme de cette façon-là, même si les critères millénaire m'oblige à penser comme ça. Moi, je dis non. Je veux m'en aller sur ma vibration. Je veux suivre mon senti. Je veux être capable de mêler avec un homme qui ait un respect de mon jugement, de mon centre décisionnel, etc., etc. Puis c'est vrai que la femme décide pas comme un homme. Elle n'est pas aussi rationnelle. Mais Christ, ça y enlève-tu le droit de vivre pour autant? Tu sais? Elle a sa façon de péter les plombs, puis le gars, il a sa façon de péter les plombs aussi. Mais il faut pas que le gars tombe dans l'affaire de « moi, te calisser une volée s'il saute les plombs ». Parce que peut-être qu'à un moment donné, elle va y mettre de quoi dans son café qui va dormir plus longtemps. Tu sais, puis etc., etc. T'sais, fait que suivre la vibration, c'est une dynamique qui est très liée à l'esprit, puis je pense pas que l'âme puisse dompter l'esprit. Ça se dompte pas, l'esprit. Tu peux pas empêcher l'esprit de te faire sauter une censure. Puis la femme, elle est excessivement censurée d'un temps futur. Tu regardes juste les femmes qui sont mariées avec des Arabes, ils sont censurées, c'est inimaginable. Ils sont censurés jusque dans leur sexualité. C'est l'enfer, ça, là. Christ, t'es obligé de porter tes voiles à naissance. Il y a un problème, là. T'es fucké, man, là. Quand t'es rendu, il faut que tu penses pour l'autre, là. Puis il n'y a pas un esti d'homme arabe qui pense une femme. Ça pense pas femme, un homme, là. T'sais, un homme, c'est tellement différent d'une femme. C'est un épée à deux pattes, esti, qui pense qu'il contrôle la planète, esti. Imagine-toi, là, quand tu commences à dire, ben là, c'est l'homme qui a inventé les talons hauts. Penses-tu que c'est une femme qui a été se mettre en déséquilibre naturel, toi, là? Essaye, prends une paire de talons hauts qui te fait, là. Va courir dans la rue, man. Tu m'en reparleras après. J'ai essayé ça une fois, j'ai tombé en pleine face. J'ai dit, Chris, des rollerblades puis le talon haut, j'aime mieux rollerblades. C'est quelque chose, là. C'est sûr que c'est pas une femme qui a décidé de se promener en talons hauts. C'est certain. C'est un homme, ça, là. Il y a, je sais pas combien d'années. Je suis bien curieux de connaître l'histoire. Des hommes qui font en mode pour eux autres. Promenant en hiver en petite jupe, là. Aïe, aïe! T'as un gars qui a inventé ça, là. On va vous faire des collants, mesdames. Ben oui, toujours pour voir les jambes. Pour tout le temps que ça soit des teasers sexuels, tout le temps. Pas une femme qui décide ça. Oublie ça. Faut être féminine. Quand t'entends une femme qui dit « faut que je sois féminine », je dis « qu'est-ce que tu cherches dans être féminine? » »« Ah, je me cherche un mâle. » On voit bien que c'est une affaire de comment tu sens, pis ci, pis ça, pour que le gars ait le goût de te baiser, pour te prendre en charge. Mais une femme qui commence à être capable, là, financièrement, de s'assumer, la patente, là, je te dis que le gars, il a besoin d'avoir la quéquette bien clenchée à gauche, là, parce que. Elle va avoir c'est moi qui décide ça, c'est moi qui décide ça, c'est moi qui décide ça. Donc là, l'histoire, la grande théorie, là, pis blablabla, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Elle va dire, écoute, ça fait une heure que tu parles, tu as des belles idées, mais dis, moi, je suis ma vibration. Là, il va dire, pourquoi? Ah, oh, je ne sais pas, c'est un petit feeling que j'ai. OK. Je regarde des gars là, qui sont dans l'affaire de l'arme du mâle. Puis, quelque chose. Très, très, très, très. C'est très déroutant pour eux autres. Puis c'est très déroutant pour la femme aussi. Parce que la femme qui sort du jeu de l'arme est perdue un petit peu. Elle est dans le vide, elle n'a pas de modèle, là. Pas plus que le gars là, qui est obligé de vivre du support de la femme, il n'y a pas de modèle non plus. C'est quoi les signes à l'encourage, comme quoi tu tombes dans... Que tu tombes dans l'âme? La polarité. Part du principe que tu es toujours dedans, puis que c'est de sortir de là qui est le plus difficile. Okay. Tu viens au monde, tu es dans un belly down, puis tu passes une vie à essayer de t'en sortir. Moi, là, quand je suis dans l'âme, parce que ça m'arrive des fois, là, c'est juste en parlant, ou en parlant avec eux autres, mais idéalement, c'est de parler avec quelqu'un que je réussis à m'en sortir. Parce que dans la parole, ça engendre un mouvement, puis à un moment donné, je laisse passer des idées qui ne sont pas les miennes, dans le sens que c'est des idées chéries. Tu as toujours une idée que tu aimes bien. Tu aimes ça avoir l'idée que tu as toujours raison, mettons. Puis, puis quand tu es au-delà de l'idée, là, tu peux saisir la vibration. Mais quand tu es dans l'idée, c'est impossible d'aller chercher la vibration. Parce que l'idée prend le dessus dans son articulation sur la vibration qui est toute douce puis qui est toute vaporeuse. C'est très... c'est comme je te dirais, une vibration, c'est très silencieux. Là, ça ne tape pas sur la table, une vibration. Là. C'est un climat. Là.